Bastien Lucas, je le sais. Bien que tu ne me connais pas, Bastien Lucas, je le vois. Bien que je ne suis rien pour toi. Et pourtant, oui, c'est comme ça. Moi, je suis amoureux de toi. Et pourtant, Bastien Lucas. Moi, je suis jaloux de toi. Bastien Lucas, tu ne sais pas que je t'écoute chaque jour. Bastien Lucas me renvoie à l'échec de mes amours. Et pourtant, oui, c'est comme ça. Moi, je suis amoureux de toi. Et pourtant, Bastien Lucas, moi je suis jaloux de toi. Bastien, c'est certain que je t'envie chaque matin, car en plus de bien chanter, tu as la seule femme que je n'ai jamais aimée.